se tord dans un corps centenaire qui souffle dedans. Si j'ai reçu son enfant, plein de corps chanté d'une prière, un murmure, un orage, un tourment. Son souffle si faible a ramené un instant du vieux corps à celui. Même s'il ne lisse d'autres.